واحد il veut enlever la vie à un autre. ما يستطيع إلا أن يشاء الله. أو il veut donner la vie à un mort. ما يستطيع. Il peut pas. ولا نشورا. النشور c'est la résurrection. البعث. أي من الموت. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le malik, c'est le muhyi, c'est le mumit, c'est lui qui fera revivre les morts. Donc on l'adore. Celui qui n'a pas ces caractéristiques, il mérite en rien al-ibad. قال الشيخ رحمه الله وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من نظير. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى يسيت الربوبية ثم يدمون خلنا هؤلاء يبسد غيان دونك on a pas le droit de les adorer. توحيد الربوبية الألوهية ça va ensemble. بل أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Allah citait ce verset, un al-mushrikin, il prétendait prendre des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré nahum c'est des kuffars. Pourtant, il voulait se rapprocher, lakin de la mauvaise manière. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant Rusul. On se rapproche d'Allah azza wa jal bi tawhid, bi ta'a. Amma bi shirk là, ça fait qu'éloigner cette personne d'Allah azza wa jal. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. C'est des menteurs, كذلك. فلا تقتل. Ils voudraient vraiment se rapprocher d'Allah عز وجل. Ils auraient suivi un Nabi صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est venu avec le Coran. Et هؤلاء ils savaient très bien que le Nabi صلى الله عليه وسلم était على حق. لكن الكبر, l'orgueil. والآيات في هذا كثيرة. والمهم أن الذين اتخذوا من دون الله وصائط يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم من دون الله ويتوكلون عليهم فإنهم يعتبرون بذلك كافرين كما في خاتمة آية الزمر. نعم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء. C'est pas شيخ تل أو تل غروب. لا, c'est الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Il a cité leur shubha, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, et annahum ils prennent des intermédiaires et ils prétendent c'est pour se rapprocher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré annahum c'est des menteurs et c'est des kuffars. Nous on dit c'est des menteurs et des kafars.